Assalamu alaikum sama gagne les bonnes les pon amone na fi da na am mu amé ya féké yow madi ya deug dé ah madi waxum tay mom waxum tay ma teugum dé waxal lañ na xol ki dal ndaysan ben baykhal la won baykhal moderne wala baykhal légui nak ndaysan bayfab accidenté ci yalla mu accidenté ñu acheminé ko tout droit hôpital Thiès bobu non mu hôpital am sœur Touba bi d'accord tam beure lampe ni ndaysan légui nak buñ ko acheminé hôpital Thiès légui ndaysan mu xamaliko yew rek ak lumière bi xam nga hôpital day beure lumière hein ak lumière nu mu léré non rek ben sage femme Touba romb rek salu wéx rek bayfar bi yaakar né mu xamaliko yaakar né mi ngi alakhira te sage femme Touba bi urul ay ne la urul ay ne mu ne ko urul wa ko sey Touba romu ñu fi